Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars s-sabiq al-mithalu as-sabi'. Dans le dars précédent, on a étudié ensemble le septième exemple de cette risale. Ad-durratul mukhtasara fi mahasin ad-din al-islam. Donc, Cheikh Sa'di, rahimahullah, à chaque exemple, il démontre les bienfaits de notre din. فما هو المثال السابع إلى ستة ماذا عندك؟ نعم. الأصل في البيوع، que ça soit une dette, que ça soit une vente, toutes les transactions, الأصل c'est الحل. لكن أو pourquoi le Cheikh Sa'di rahimahullah il a cité ce point هنا. Ah, où il est où le rapport entre le commerce et les bienfaits de notre din qui rentre dans les limites du Coran et de la Sunna, qui préserve la tricherie, de la tricherie ou du vol ou du mensonge. Surtout anna al-bashar ils ont besoin de hada. C'est une rahma min Allah jalla wa ala. Il y en a peut-être que tu as besoin d'une chose et cette chose, tu ne l'as pas. Et un autre, il l'a. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبَاحَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré, il a autorisé cet échange. Tu as besoin d'une maison, tu n'as pas de maison. فَالْحَمْدُلِلَّهُ, tu peux faire des efforts pour gagner de l'argent et t'acheter cette maison. C'est halal. Bien sûr, avec des conditions qu'on a citées. أَبْتَرَاضِي, que les deux parties y soient d'accord. Bien sûr, la marchandise elle soit connue, imma bil ru'ya, imma bil wasf, imma t'as vu cette marchandise, imma on te l'a décrite, kadhalik que cette chose elle soit, que ça soit possible que tu la donnes, fala yajouz bay' quelque chose que tu ne possèdes pas, etc. Les shurut qu'on a cité en détail dans le dars précédent. Cheikh Sa'di rahimahullah, il te montre anna notre din, cette religion, c'est une religion parfaite, elle nous a autorisé toutes ces transactions. Limadha li anna, l'être humain, il a besoin de hada. Tu as besoin d'avoir un échange, tu as besoin d'acheter, tu as besoin de vendre. Donc la base, c'est que c'est permis. Avec les conditions qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Amma les choses qui nous font du mal, ça c'est haram. Mithl ma'da. Arriba. L'usure c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est des dhulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste l'injustice. Et ça montre les bienfaits de notre din. Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé le commerce et il a interdit arriba. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama arriba. Lianna, si tu as besoin d'acheter un moyen de transport, مثلاً à 5000 euros, c'est permis. Tu as besoin. Et c'est un bienfait pour toi. Tu as besoin de te déplacer, par exemple, pour aller au travail, pour aller au masjid, pour aller faire des courses, pour voyager. Tu as besoin, peut-être, de ce moyen de transport. Donc, c'est permis. Lakin, l'acheter avec l'usure, c'est du dhulm, avec riba, ce qu'ils appellent home des intérêts. Il y en a ce moyen de transport qui vaut 5000 euros, avec ce moyen qui est une injustice, il te le vendra à 6000, alors que ça vaut 5000. Enfin, pourquoi rajouter 1000 euros? C'est du vol. Surtout que, et c'est pour ça que c'est interdit, c'est qu'il y a un profit de cette personne qui va emprunter ou qui va vendre cette marchandise avec riba, il profite de la faiblesse de cette personne. Il ne peut pas payer d'un coup, donc il fait croire qu'il l'arrange, tu me payes en plusieurs fois, et fil haqiqa, il lui rajoute. Et ça, c'est de drôle. Si la marchandise, tu la vends 5000, s'il te paye cash, pourquoi rajouter s'il te paye en plusieurs fois? Fil haqiqa, il n'y a aucun arrangement via dal hal. Bel, c'est du drôle, moi. Et comme minan nas, comme on l'a cité, anahu, il arrive à payer le premier mois, avec de ce crédit, le deuxième mois, le troisième mois, au bout d'un certain temps, il n'arrive plus à payer. Il perd tout. Il perd la marchandise et il perd l'argent que Rupama il a avancé. Et hada c'est aynu dhulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit hada. Et on a cité des preuves et on avait détaillé qalilan fi hada. فهذا المثال السابع tout ce qui est lié avec les transactions, le commerce, riba, etc. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال الثامن, huitième exemple pour démontrer que notre din c'est un din de rahma, de justice, c'est la religion de tous les bienfaits. Celui qui veut le khayr fa fi hada ad-din. Et ta'ammal, médite sur ce huitième exemple. Ma ja'at bihi الشريعه من اباحه الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها. الله سبحانه وتعالى nous a autorisé tout ce qui est طيب, اي les choses qui sont bonnes, et nous a interdit الخبائث, et c'est le contraire du طيب, c'est les choses qui sont mauvaises, qui font du mal à la santé, qui font du mal à la raison, comme on va voir, al-khamr, l'alcool, les drogues, etc. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا الطيبات. Que ça soit من المطاعم, tout ce qui est lié avec la nourriture, et la base, c'est comme le commerce. الأصل في هذه الأشياء الحل. La base, c'est que toutes les nourritures, toutes les boissons, tous les vêtements, ils sont halal. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont interdit. Pour notre bien. Et parce que cette chose qui est interdite, il y a du shar et il y a une mafsada. Donc, notre din, c'est un din de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé. Il nous a autorisé at-tayyibat min al-mata'im, tout ce qui est bon comme nourriture. Que ça soit des viandes, que ça soit des boissons, que ça soit des produits laitiers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé d'alik. Wal masharib. Taqaddam. Les boissons. Wal malabis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé hadhihi al malabis. Les vêtements. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager, ils nous ont interdit. Wal manakih. Tout ce qui est lié avec le mariage. Tout ça c'est autorisé. L'homme, il a le droit de se marier. Et l'ulama, il cite souvent une règle qu'on vous a déjà citée. أن الأصل في هذه الأشياء سالإباحة. La base dans les choses de dunya, que ça soit nourriture, boisson, moyen de transport, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour ses ibad, من الطيبات, c'est halal. C'est ça le أصل. Et il y a des choses qui sont interdites, c'est que c'est pas من الطيبات. Et c'est pour ton bien. Donc, un musulman, il doit bien connaître ses règles. Contrairement à tout ce qui est lié avec notre dîn, l'ibada, al-aslo, c'est le mena. C'est que tu n'as pas le droit de faire, d'accomplir une adoration, sauf si tu as un délit. Enfin, par rapport à ad-dunya, tout est légiféré, sauf ce que Allah il a interdit. Donc, si tu veux manger quelque chose, là-bas, c'est que tu as le droit. Personne n'a le droit de te dire, ou tu te dis à toi-même, j'ai pas le droit, sauf si c'est un délit. Donc, là-bas, c'est que c'est permis. Dans notre dîn, dans l'adoration, c'est le contraire. T'as pas le droit de tawassu' fil ibad, et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux toi et tu fais ce que tu penses. Là, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec un burhan, avec une hujjah. Là-bas. Et ce genre de règle, al-a'imma, ils les citent souvent dans leurs kutub. قال الشيخ سعدي رحمه الله فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار فقد أباحه الشارع. الشارع أي c'est celui qui a légiféré Allah سبحانه وتعالى, que ça soit في القرآن أو في السنة. من أصناف الحبوب والثمار, donc que ça soit des catégories de huboub, avec des graines, au thimar, des fruits, tout ça c'est autorisé. Tous les fruits sont autorisés, sauf si on a un délit que ce fruit il est haram. Et celui qui prétend, il doit citer le délit. Wa illa fa il parle fi dinillah subhanahu wa ta'ala bila ilm. Wa luhum al-hayawanat al-bahriyya mutlaqan. Les animaux qui vivent en mer, poissons et autres, c'est halal mutlaqan. حتى الميتة comme il a démontré le Nabi sallam, حتى la bête morte Allah subhanahu wa ta'ala il l'a interdite sauf les bêtes qui vivent en mer. Enfin, un poisson mort c'est halal, contrairement au hayawan الحيوانات البرية أي كي فيم سيغتا. قال والحيوانات البرية ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. Tout ça c'est permis sauf une chose qui te fera du mal dans ton din. On verra l'exemple du khamr, de l'alcool. أو العقل, on verra كذلك l'exemple de l'alcool. أو البدن, les drogues par exemple, et l'alcool aussi. Aou le mal, aou tes biens, ton argent. Il y a des choses, ça fait du mal au din, à la raison, à ton corps et à ton argent. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, c'est le khabir, c'est arhamur rahimin, il interdit cette chose pour le bien de ce musulman. Et on avait vu dans l'exemple précédent, ma yata'allaq bi arriba, l'usure. قال الشيخ سعدي فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه وما منعه فإنه من إحسانه. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a autorisé, c'est min ihsan, ça fait partie des bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, il a créé ces choses pour qu'on en profite. Et on adore Allah azza wa jalla. Et ce qu'il a interdit pour nous, كذلك, c'est min ihsan, c'est pour ton bien. Ayyuha al-abd. Haythu man'ahum mimma yadhurruhum wa min mahasin din. Haythu inna al-husn tabi'un lil-hikma wal-maslaha wa mura'ati al-madhar. Al-insan, s'il médite sur les interdictions, il s'apercevra que c'est pour le bien de l'insan. Il y a des choses, elles font plus de mal que de bien. Et il y a des choses, ou les choses plutôt, qui sont interdites, فالله سبحانه وتعالى, il les a remplacées par beaucoup de choses qui sont halal. فمثلا الخمر, l'alcool, ça rend ivre, ça fait du mal. L'insan qui boit, ou العياذ بالله, il peut faire une chose en état d'ivresse et il regrette. Il peut tuer, il peut insulter, il peut perdre ses biens, il peut perdre sa vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et en lui interdisant cette chose qui lui fait du mal, il lui a autorisé toutes les autres boissons qui ne font pas de mal. Que ce soit l'eau, le lait, les jus de fruits, etc. Tout ça c'est halal. Enfin, ça te montre ma hasin hada din. Et ta'ammalu hal al kuffar, qu'ils ont délaissé ce din. Le mal que l'alcool elle fait dans les mujtama'at de kuffar. Et l'asaf, عند المسلمين. لكن عند الكفار أكثر لأن pour eux c'est permis مطلقا. Ils arrivent plus à faire la différence. Maintenant, tu bois quand tu es au travail, on continue pas. Combien de personnes ils ont perdu leur travail à cause de l'khamr? Combien de personnes ils ont perdu la vie ou ils ont fait du mal à un autre parce qu'ils conduisent en état d'ivresse? Ils auraient appliqué ce din qui est fondé sur Ar-Rahma, il n'y aurait plus tous ces problèmes. L'alcool c'est interdit. Au travail, en état de conduite, chez toi, partout, c'est haram. Pourquoi les annas, c'est pas min al-hikma d'autoriser à boire comme ils font al-kuffar? Ils sortent maintenant et pour eux, boire c'est permis. Lakin pour rentrer chez lui, il sait plus comment faire. Si tu lui as autorisé de boire dans tel endroit, qui c'est qui va l'empêcher de conduire au retour? Ils ont essayé de mettre des choses en place, ça marche jamais. Il y a toujours des morts. أما دين الإسلام il est fondé sur l'hikma wa rahma, c'est interdit mutlaq. Comment tu peux faire confiance à une personne qui est en état d'ivresse? Il boit et après on lui dit il ne faut pas que tu conduises. Il ne faut pas que tu conduises. Ma yasluh. Enfin notre din il ferme les portes. هذا, c'est ça qui veut nous démontrer العلامة الإمام الشيخ سعدي رحمه الله. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset te montre كلوا من طيبات ما رزقناكم. Tu peux manger, tu peux profiter des طيبات que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. واشكروا لله, sois reconnaissant. Et ça c'est من صفات المؤمنين أنهم tout ce qui tire profit, que ce soit des nourritures, des boissons, et toutes les ni'am que Allah subhanahu wa ta'ala il a créées, et yashkurun Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pas, ils manquent pas de reconnaissance comme al-kuffar ou comme al-usa. Al-mu'min al-salih, il est reconnaissant fi hal. Yashkur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'avant de manger ou boire, il dit bismillah. À la fin, il dit alhamdulillah. Tout ça, c'est min bab al-shukr. Ça te montre aussi que ce halal, cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré min al-tayyibat, c'est pour que tu adores Allah azza wa jal. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et ce risque que Allah t'a donné, ça t'aide à adorer Allah azza wa jal normalement. أما الكفار فكما تعلمون, ils mangent et ils profitent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont pas reconnaissants et ils l'adorent pas. C'est pour ça que Allah jalla wa ala il les a comparés à des animaux. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله سبحانه وتعالى يذكر الكفار أنهم يتمتعون يبخفت ويأكلون et ils mangent comme les animaux. Et Allah سبحانه وتعالى à la fin du verset il a montré le châtiment de Ha'oula qui ne sont pas reconnaissants et qui n'adorent pas Allah عز وجل. وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Qui sait qui a interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour ses ibad? On n'a pas le droit. Ça te montre que la base dans ces choses, c'est que c'est halal. Aïe, al-mata'im al-masharib et tout ce que Cheikh Sa'di il a cité. Qala Cheikh Sa'di dans son tafsir, rahmatullah alayh, يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات. Tu vas avoir deux cas. Tu vas avoir des personnes, comme a قال هنا الشيخ سعدي تعنت. Il a du roulou. Il veut plus manger telle chose, en pensant que c'est min al-zuhd. Ça c'est min al-roulou. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette chose pour l'être humain, c'est halal. T'as le droit d'en profiter. بعضهم مثلا ils ont un fikr que ils mangent pas, c'est des végétariens, ils mangent pas de viande. Il y en a pour eux, si tu manges la viande, t'es injuste envers les animaux. Ça, c'est minas sava'a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cet animal pour que l'être humain, il en profite. Que ça soit le transport, que ça soit la viande, que ça soit le lait. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié de rahim. بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمُ. Et manger de la viande, alayhi salatu wassalam. Donc, manger de la viande, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les animaux, tu ne respectes pas, tu n'as pas de rahma. Tout ça, c'est min afkar al-kafar. Ça, c'est min al-ta'annut, c'est min al-ghulu. Et c'est le deuxième cas. Wa harrama ma ahallallah. Il rentre haram complètement. Eux, min bab al-tadayyun. Et c'est, pour lui, c'est du din. Il te dit cette chose, elle est haram. Pourquoi? Aïn al-dalil. C'est quoi ton argument? Fama ma yastati. Il ne peut pas citer un argument. هذا يتكلم على الله بلا علم. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. Pas le droit de parler sans علم. Donc appliquer ces règles, c'est important. الطيبات c'est halal. Tout ce qui est nourriture, boisson, etc. c'est halal. On n'a pas le droit de parler sans علم. فلهذا قال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Qui sait qui a interdit ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour ses ibad? C'est pas le droit. At-tashri'u c'est un haqqun lillah, azza wa jalla. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre que cette chose elle est haram. Ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam il est appuyé par le wahi. Amma nahnu on n'a pas le droit. Nahnu on doit se soumettre, on est des musulmans. On a des règles. Tout est halal dans les nourritures et boissons, sauf ce que Allah il nous a démontré. L'alcool c'est haram. Al-khinziru, le porc, c'est haram. La bête morte, c'est haram. On a des adillas claires. Amma des choses où il n'y a pas de dalil, fala yajouz al-ta'annut wal-ghulu wal-kalam bila'il. Qala al-shaykh Sa'di min anwa' al-libas. Ou, na'id, na'am, yakoulu ta'ala munkilan ala man ta'annata wa harrama ma ahal Allah min al-tayyibat. Qul man harrama zinat Allah alati akhrada li'ibadihi min anwa' al-libas ala akhtilafi asnafih. والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. il a cité dans son tafsir, Anna, parmi les choses qui sont halal, les vêtements, les nourritures, les boissons, tout ça là-bas, c'est que c'est halal. Ay, man alladhi yaqdumu ala tahrim ma an'ama Allah biha ala al-ibad, wa man alladhi yudayiqu alayhim ma wassa'ahu Allah. On n'a pas le droit de dayiq, de restreindre une chose. À la base, cette chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. Ça s'appelle al-ghulu wa ta'annut. Hada la yajuz. وَهَذَا التَّوْسِيعُ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ بِالطَّيِّبَاتِ جَعَلَهُ لَهُمْ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى عِبَادَتِهِ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé toutes ces choses? Pour qu'on l'adore. Donc, la ifrat wa la tafrit. On n'exagère pas en interdisant des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisées. Et كذلك, on fait attention à ne pas ressembler aux kuffar, que eux-mêmes ils ressemblent à des animaux. أَنَّهُمْ ils profitent de ces choses. Et ils n'ont aucune limite, halal ou haram, et كذلك, ils ne sont pas reconnaissants, ils n'adorent pas Allah Azza wa Jal. Fal mu'min, il reconnaît la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Le mu'min, il reconnaît la ni'ma, et كذلك, il est reconnaissant en adorant Allah Azza wa Jal. Hada, ou hadhi, hi al-khulasa. Wa yaqulu Allah ta'ala, yas'alunaka madha uhilla lahum. قل أحل لكم الطيبات قل أي يا محمد يسألونك ماذا أحل لهم قل أي يا محمد أحل لكم الطيبات أي demande au prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi qui est halal. Allah سبحانه وتعالى il dit à son messager dis-leur Allah سبحانه وتعالى il vous a autorisé الطيبات. Donc ce din il nous autorise الطيب ce qui est bien pour nous et il nous interdit الخبيث ce qui nous fera du mal. Imma notre din, imma notre raison, imma à notre corps, imma à notre argent, à nos biens. Donc, tu comprends pourquoi le Cheikh Saadi cite cet exemple. Anahad din, c'est pour ton bien. Ne crois pas que ceux qui autorisent tout, c'est pour ton bien. Quelqu'un qui t'aide à boire de l'alcool ou il te facilite, c'est pas pour ton bien. Wallahi, il veut pas ton bien. Lian, on sait les méfaits que ça fait. Donc, celui qui veut ton bien, c'est celui qui t'interdit les mauvaises choses. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فإذا حرم عليهم أي الله عز وجل شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع. المؤمن doit comprendre هذا أن الله سبحانه وتعالى s'il interdit une chose à ses عباد فإل autorise plusieurs choses qui sont أنفع. Tu profiteras plus et tu auras beaucoup plus besoin que cette chose qui est haram. Donc cette chose qui est haram tu peux t'en passer. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a interdit. Tu peux t'en passer et elle te fait du mal. Et en même temps, il t'autorise une chose que tu as besoin et qui ne te fait aucun mal. Donc, alhamdoulilah, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit ses commandements, il est perdant en rien. Bel, il est gagnant. Din wa dunya, des hasanat, et alhamdoulilah, dans sa dunya, il n'aura pas, il n'y aura pas des choses qui lui feront du mal, ces choses qui sont autorisées. قال وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه. ثم il a cité beaucoup d'exemples. Allah subhanahu wa ta'ala il nous autorise ce qu'on a besoin pour pouvoir délaisser cette chose qui est haram. Et ça c'est min al-hikma, c'est pour ça que min asma illah al-hakim. Il y en a, c'est plus facile à un être humain. Tu lui interdis cette chose et tu lui autorises une chose qui est halal et elle remplace cette chose haram. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que min hikmat al-da'i ila Allah azza wa jal, celui qui fait da'wah, que ce soit avec ses proches ou autres, si tu montres à une personne que cette chose elle est haram, surtout il y tient, il est attaché, il a l'habitude, montre-lui des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu halal et qui remplace ce haram. Ça c'est min al-hikma. Mathalan, on montre aux gens que adorer, invoquer les morts, c'est du shirk et c'est haram. Pardonnez, ça fait longtemps, ils ont cette habitude. Et ils ont ce besoin. L'imad alay anna shaytan avallahum. Shaytan, il les égarive. Il pense que quand il a un besoin, il demande à ce wali, ou à ce mort. Fa anta awwalan, tu lui montres al-hukm al-shar'i que c'est haram. L'anna ad-du'a c'est l'ibada. Et adorer autre qu'Allah, la yajouz. C'est du shirk billah azza wa jal. Thumma, tu lui montres que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré qu'on lui demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout, c'est lui qui répond. Et tu lui montres fadl ad-du'a. Et tu lui montres min sifatillahi azza wa jal wa min asma'ihi. Hada c'est min al-hikma. Tu lui as montré que cette chose elle est interdite et tu lui as montré une chose qui remplace et qui est meilleure. Et hada c'est valable pour tout. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité plusieurs exemples des choses qui sont haram et Allah subhanahu wa ta'ala, il les remplace par des choses de meilleures qui sont halal. Parmi ces exemples, on va citer un exemple qui est lié à notre cours sur les nourritures et les boissons. قال وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وعوضهم من ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit certaines bêtes. من الطيور أو من غيرها. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé toutes les autres bêtes. Ça te montre que s'il y a une chose interdite, tu profiteras d'une autre. Enfin, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'ahm al-khanzir. Al-khanzir, c'est interdit. La viande de porc. Et il t'a autorisé la viande, que ce soit le bœuf, l'agneau, le mouton, la vache, tout ce qui est volaille, tout ça c'est halal. Bien sûr, si c'est sacrifié à la tariqati al-islami, avec des conditions, comme taqadda. Ah, c'est ça notre dit. Donc t'es pas privé de viande, t'es privé de cette viande li anna fiha dharr. Li anna al-khanzir, c'est un animal khabith, qui mange al-khabith. C'est interdit. Tout le reste, c'est halal. Allah subhanahu wa ta'ala est interdit l'alcool parce que ça fait du mal. Ça rend ivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a pas privé de boire. Il t'a privé ou il t'a interdit de ce nom, cette catégorie, c'est pour ton bien. Il y en a, le mal, il est énorme. Hatta le kuffar, ils le reconnaissent. Et il t'a autorisé l'eau, le lait, les jus de fruits, etc. Donc, tu peux te passer de boire de l'alcool, de manger du porc, tu peux t'en passer. Belle, c'est un bien pour toi. Tout ça, ça montre que notre dîn, il est fondé sur la justice et ar-rahma. Qala Ibn al-Qayyim wa bil jumla. Fama harram Allah alayhim khabithan wala dharran illa abaha lahum tayyiban bi'iza'ih. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit quelque chose de khabith, en parallèle, il autorise une chose ou plusieurs choses qui sont halal et qui te remplaceront ce haram. Donc, tu n'en as plus besoin. Ça te facilite. Et ça, c'est min rahmatillahi azza wa jal. Anfa' lahum minhu wa la amarahum bi amr illa wa a'anahum alayh. Fa wasi'atuhum rahmatuh wa wasi'ahum taklifuh. Donc, ça te montre tout ça. Que rahmatullah elle est wasi'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien. Et c'est arhamur rahimi. Et que d'alik, anna ce qui nous a ordonné ou interdit, c'est dans nos capacités. Ce qui nous a ordonné ou interdit, c'est qu'on est capable. Et si t'as ordonné une chose, Azza wa Jal, et t'es pas capable, et annahu ça arrive, wahad il peut pas faire salat debout, wahad il peut pas aller au hajj, wahad il peut pas faire siyam, celui qui peut pas, il est excusé. C'est un dîn kamil. Un dîn fihi al-khayr wal-baraka. Amma al-khabith, faqad harramahu Allahu Azza wa Jal. Al-khabithat. Les choses qui font du mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a interdits. Limadha lima fiha min al-dharar wal mafasid. Du mal et des préjudices dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu haram. Qala azza wa jal, kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande dans ce verset, tu peux profiter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Lakin, fais attention à shaytan. Wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Et le shaytan, il essaiera de te pousser vers les choses haram pour te faire du mal. Famin al-nas, wa l'iyadu billah, man butuliya bi shurb al-khamr. Il délaisse toutes les boissons. Et la yartah, ou il pense que il se repose et il profite que s'il boit al-khamr. Ça, c'est shaytan. Il veut l'égarer. Fakam min al-nas, ils se sont tués en voiture. Ou ils ont fait du mal à leurs enfants ou à leurs épouses. Ou à eux-mêmes. Ou à quelqu'un d'innocent à cause de l'khamr. Ils auraient obéi à Allah Azza wa Jal. Wa la tattabi'u khutuwat al-shaytan. Et ils ne seraient pas arrivés à ce stade de ha'ula. Wa qala jalla wa ala. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أي النبي صلى الله عليه وسلم il autorise, il nous autorise à الطيبات أي les choses qui sont bonnes et il nous interdit les choses qui sont mauvaises donc c'est pour toi c'est pour ton bien هذا الدين قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم donc Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise ce qui est bon et nous interdit ce qui est mauvais pour notre bien قال فلا يحرم شيئا عبثا ولا يخلق شيئا باطلا l'importance de connaître les noms d'Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi c'est le hakim il a sifat al hikma et parmi sa hikma azza wa jal annahu il n'interdit pas une chose abathan sans qu'il y ait aucune raison tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit que ce soit nourriture ou boisson il y a une raison on la connaît ou on la connaît pas mathalan fil khamr c'est clair l'alcool c'est clair pourquoi c'est interdit la personne elle devient ivre elle sait plus ce qu'elle fait elle peut faire beaucoup de mal la viande de porc mathalan il y a des gens كثيرا ils se demandent pourquoi tu sais ou tu sais pas i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim s'il a interdit cette viande c'est qu'il y a un mal si tu connais ce mal alhamdulillah si on connaît pas le mal fal amr sahl l'essentiel c'est de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de lui obéir amma al khawd comme ils font certains qui sont pas occupés par l'ilm et ils tombent dans le qil wal qal et toute la journée c'est interdit pour telle chose c'est interdit et c'est des choses ahyanan c'est des choses ba'ida hada on n'a pas besoin de ça on sait que c'est un animal il mange min al khabithat et c'est un animal qui est sale et Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a interdit alhamdulillah on n'a pas besoin de cette chose et on profite de ce qui est halal كذلك الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا باطلا ولا يخلق شيئا باطلا اي tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé c'est pour un but tu le saches ou non pourquoi parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim cet insecte que tu vois rubbama pour toi tu comprendras pas peut-être la hikma pourquoi Allah il a créé c'est quoi le but de cet insecte il y a une hikma azima Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cet insecte pour telle chose rubbama tu sais pas lakin celui qui connaît asma Allah azza wa jalla wa sifatihi il comprendra هذا donc l'importance de faire des efforts fi hadha al-ilm ay ilm al-asma wa sifat asma Allah azza wa jalla wa sifatihi قال ولا يأمر بشيء ليسر العباد فيه فائدة لأنه سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين هو العالم بما يصلح للعباد وينفعهم في العاجل والآجل donc الإنسان il doit عظم الله عز وجل il doit connaître الله عز وجل حتى يكمبخن ces choses بعض السفهاء الآن ربما يطعنون في دين الله عز وجل من هذا الباب pourquoi tout est interdit pourquoi cette chose انهم يعظم pas Allah عز وجل regarde pas l'interdit en lui-même regarde اولا c'est qui l'a interdit et si tu sais qui c'est qui a interdit cette chose même si tu n'as pas compris tu auras du wara et du khouf et tu sauras que c'est pour ton bien surtout que Allah subhanahu wa ta'ala qui a interdit cette chose il te l'a remplacé par beaucoup de choses de meilleures لكن والعياذ بالله الجهل والكبر والعناد يقول الله عز وجل on donne un exemple pour conclure une chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdite wa fiha darar azim قال سبحانه يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit toutes ces choses l'alcool الخمر والميسر القمار tout ce qui est les paris لانه c'est tu peux perdre ton argent des paris comme ils sont rentrés dans les jeux de hasard les paris etc ils ont perdu leurs biens sur un pari Obama il perd tous ses biens et واحد il les prend et les conséquences elles sont néfastes jiddan لانه ربما il accepte pas ربما il détestera l'autre ça fait de la division فهذا c'est haram ça pousse à un mal azim والانصاب اي les statues. قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Tu veux réussir? écarte-toi de ces choses. Vous avez déjà, Obama, connu des personnes dans votre entourage ou autres, des personnes, wal'iyadu billah, des alcooliques qui sont tombés dans l'alcool et dans les jeux de hasard. Est-ce qu'ils ont réussi à Abadan? Abadan. Niveau din, ils n'y arrivent pas. Les anna, tout leur temps, il est dans ces choses. Ils font plus salat, ils lisent plus le Coran. Wal'iyadu billah, ils s'égarent. Niveau famille, c'est la catastrophe que d'aller. Ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes avec la justice. Niveau travail, c'est la catastrophe que d'aller. Les annahum, ils sont nuit et jour en état d'ivresse. Ils sont dans les jeux. Le peu de temps où qu'il a sa raison, c'est pour les jeux. Les jeux de hasard et les paris. Allah subhanahu wa ta'ala, pour notre bien, il nous montre. Il nous montre que c'est min amali shaitan, c'est le shaitan qui veut t'égarer. Et celui qui veut réussir, il s'écarte de ces choses. فَاشْتَنِبُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَمْ مِنَ النَّاسِ Ils sont perdus dans ces choses et ils cherchent la solution. Et في الحقيقة, la solution, elle est dans notre dîn. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ Qu'est-ce qu'il veut le shaitan avec ces choses? Surtout le khamr wal maïsir, l'alcool et les jeux de hasard. Qu'est-ce qu'il veut Shaitan? Il veut mettre de la haine entre vous et de l'animosité et tu perds ton temps. Tu perds ton temps avec l'alcool et les jeux de hasard et Robama tu te bats avec un tel, Robama tu tues un tel et wal'iyadu billah tu finis dans des problèmes. C'est ce qu'il veut Shaitan. Pour pas que tu t'en sortes. Innama yuridu Shaitan an yuqi'a baynakum al'adawata wal baghda. وفي الخمر والميسر نعم ويصدكم عن ذكر الله le but de Shaitan كذلك il veut que tu t'en sortes pas niveau dunya pas de travail pas de vie de famille que des problèmes de justice et autres et en même temps العدو et c'est ça son objectif principal ويصدكم عن ذكر الله il t'éloigne du dhikr وعن الصلاة et de la salat حتى t'as plus de dîn c'est ce qu'il veut Shaitan et le Shaitan c'est un kafir, un mujrim, et il a juré qu'il ferait tout pour égarer les êtres humains. Et parmi les moyens qu'il utilise, l'alcool et les jeux de hasard. Il sait qu'avec ces deux choses, l'insan, il peut perdre sa dunya et son din. قَالَ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاتِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, après te montrer tout ça, est-ce que vous allez cesser? Celui qui a un aql al-an et qui veut le bien pour lui-même et pour les autres et qui veut préserver son din, il est reconnaissant. Et il sait que c'est le haqq. Il y en a la première étape. Ça, c'est un conseil pour ceux qui sont éprouvés par ces choses. Il y en a, c'est pas simple. Bardana, s'ils veulent essayer d'arrêter, ils ont du mal. La première étape, c'est reconnaître que c'est un mal. Ne rentre pas dans le système des kafaras, ils veulent aucun, ils veulent pas ton bien. Que t'es libre, que faut pas être dur, que de temps en temps c'est pas grave. La tattabi'u khutwat ash-shaytan. Ash-shaytan il va venir khutwa. Wa la tattabi'u khutwat ash-shaytan. Al-kuffar, vous avez déjà remarqué que pour égarer كذلك لانهم من جنود ابليس, surtout les musulmans. Ils essayent de propager de temps en temps, c'est pas grave. Le juste milieu. Et tu bois un verre de temps en temps. Shaitan, il ne le laissera pas. Il va commencer par un verre et il va finir. Et Robama, cette nuit ou cette journée où qu'il aura bu, Robama, il s'égare. Ah oui, il se fait beaucoup de mal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Arhamur Rahimin. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ La solution dans les jeux de hasard, dans l'alcool et dans le haram, c'est d'arrêter complètement. C'est de l'arrêter complètement. Et, wallahi alhamd, il y a beaucoup de choses de halal qui te remplaceront ces deux choses. Al-khamr, wallahi alhamd, il y a plusieurs boissons que tu peux boire. Et al-maysir, tu perds que ton temps. Occupe ton temps avec l'ilm. Occupe ton temps, prends soin de ta famille, prends soin de tes enfants. Fais des choses halal, que ton corps y profitera et ton temps. Amma, perdre son temps, wallahi billah, dans ces choses, perdre ses biens. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية نكتفي بهذا et inshallah dans le deuxième dars le prochain dars on finit le huitième مثال أي ما يتعلق بالأنكحة والتعدد etc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.